cours numéro 20. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. أخذنا في درسنا الأخير ما يتعلق بالقبر. نعم, tout ce qui est lié au قبر من عذاب أو نعيم, le châtiment, et كذلك les délices de la tombe. فما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر ونعيمه وفي فتنة القبر كذلك عندما La croyance des gens de la Sunna par rapport au qabr. Hein, tafaddal. نعم. فنؤمن أن ملكين يسألون الميت فيقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك. Donc ils lui poseront un de ces trois questions. Qui c'est ton Rabb et ton prophète et c'est quoi ta religion? C'est cité dans quel hadith hada? Hadith man? Naam, hadith al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu fi musnadi al-Imam Ahmed. Et dans d'autres hadiths. Lakin hadith al-Bara من حيث السياق من أحسن الأحاديث في هذا الموضوع. وهناك أصناف لا يسألون في القبر. الشيخ محمد حفظه الله إلى ستي تخوا كاتيغوري, من هم؟ الأولى الأنبياء. نعم, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, فبي تفتنون وعني تسأل. فالأنبياء, la question elle est posée sur, on demande aux morts sur l'anbiya. Donc on peut, Allah ne posera pas, ou les anges ne poseront pas cette question au Nabi. Les morts ils sont questionnés sur ce Nabi. كذلك, la deuxième catégorie, الشهداء. ما الدليل؟ كفى على رأسه. نعم, كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة, أي cette فتنة lui suffit, أي ce qu'il a enduré pendant le jihad. Troisième cas, المرابطون. نعم, يناديهم الذين يحمون ويحرسون بلاد المسلمين. فهذا ما يتعلق بهذا البيت. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. ما الدليل على عذاب القبر؟ أما سكونا سيت الآن سلفتنا أي لكستيون. ما الدليل على العذاب من القرآن ومن السنة؟ تفضل. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. نعم, سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ومن السنة الحديث الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الفتنة ومن عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحياء والممات. Et d'autres hadith qu'on a lu ensemble dans le dernier dars. Et aujourd'hui, inshallah, نقرأ le dernier vers de cette, ou les deux derniers vers de cette poésie. Et inshallah, le prochain dars, celui qui voudra, il récitera la poésie entière, inshallah. Et révisez-la, elle est sahla. Elle est courte, elle est importante. Vous avez vu que Cheikh al-Islam il a résumé Aqidat al-Salaf dans cette poésie. Il n'a pas tout cité. Et on verra que Cheikh Mohammed ibn Hizam al-Ba'dani, hafidahullah, dans son charh, il a rajouté quelques points pour compléter. وإلا في elle est nafi à cette poésie. Enfin, révisez-la et ceux qui ne l'ont pas apprise, ils l'apprennent, inshallah ta'ala. فتنفعك. Elle te résume beaucoup de masa'il en quelques vers. Et c'est ça l'ilm. L'ilm, c'est ce qui restera de tous ces doros, c'est l'hifz. Il y en a les doros, walillahi alhamd, on en a fait plusieurs. Et ce qui reste, c'est ma tahfad. C'est ce que tu mémorises. فحرصوا على الحفظ. C'est من أهم ما يكون للطالب العلم, la mémorisation. أما assister, tu comprendras des choses, mais tu ne retiendras pas tout. Et un talib ou ilm, il faut qu'il retienne le maximum et fasse l'asbab pour retenir. Il doit propager ba'd. Et s'il ne connaît pas ces masa'il, hifzan wa fahman, ربما تلتبس عليه il pourra mélanger certaines choses, ne plus comprendre, surtout avec l'enchaînement des durus. فالحفظ c'est مهم, surtout ce genre de rafa'il, c'est des bases. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل هذا البيت سفر شيخ الإسلام يقول فيه هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل أي cette عقيدة qu'il a cité, cette croyance, c'est la croyance des salaf. Et il a cité les quatre imams لأنهم ils sont connus عند الناس, et beaucoup de personnes ils les suivent dans leur aqwal. فهو Il montre, rahmatullah alayh, en a ces quatre imams qui sont connus fil umma et qu'ils ont beaucoup de suiveurs. Alors, aqida, c'est ce qu'il vient de citer. C'est aqidatu al-muslimin. Aqidatu al-salaf. Qala rahimahullah, ou qala Sheikh Mohammed hafidahullah, qawluhu hadha isharatun ila masail al-aqida allati dhakaraha wa dhammanaha fil abiyat al-sabiqa. Cette croyance, c'est la croyance de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i, etc. Cette croyance, elle, est celle qui vient de citer dans les vers précédemment. Et celle qu'on a expliquée, nous, wallillahi alhamd, dans cette série de cours. Qawluhu, i'tiqad, masdar, min i'taqada, wa qad taqaddama tafsiru dhalik fi awwal bayt, min hadhihi al-qasida. Na'am, dans le premier vers. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي شيخ محمد il avait expliqué هذا قال مصدر يعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة له بمعنى عقد عليه الضمير والقلب هذا تقدم dans le premier درس قوله الشافعي هو الإمام الفقيه الورع الزاهد أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف القرشي. Le premier qu'il a cité, c'est l'imam Shafi'i. Il les a pas cités dans l'ordre chronologique. Il y en a l'imam Abu Hanifa, il est avant l'imam Shafi'i. كذلك l'imam Malik. Et كذلك il les a pas cités dans l'ordre أي من حيث الأفضلية. Là, il a cité cet ordre par rapport à son vers de poésie. Il y en a tellement, on en a pour les vers de poésie, il faut un certain ordre pour avoir une rime à la fin. Enfin, il a cité cet ordre. Al-Ihada, il a commencé par l'imam Shafi'i. Et connaître nos imams, que ce soit les anciens ou les contemporains, c'est muhim. Li'an Allah Azza wa Jal, fi al-Qur'an, athna alayhim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu al-ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé haoula. On doit revenir à eux, on doit les connaître, on doit connaître leur biographie. Voilà où Virtessar, un résumé. Tahada, c'est muhim. Et plus la umma s'écarte de ses savants, plus elle tombe dans l'ignorance. Iyadam billah wal inhiraf. Lianna ha'oula, que l'imam Sheikh al-Islam, Nataymiya, il a cité huna, ou d'autres, c'est warathatul anbiya. C'est les héritiers des prophètes, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les ulama, ou warathatul anbiya, ils ont une place à part عالم من علماء السنة, un imam parmi les imams de l'islam, c'est pas comme une personne du commun. Il a un fadl alayhi. لأن الله عز وجل les a élevés, on a cité le verset. كذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالرجوع إليهم, الله nous a ordonné de revenir à eux, contrairement à d'autres. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسأل مرجعية pour الأمة. الأمة, chacun de nous, il doit aimer هؤلاء الأئمة. Il doit revenir à eux en cas de besoin, s'il ignore une chose. كذلك, il doit les respecter. Et كذلك, il doit avoir une connaissance de ces imams. لأن الإنسان, il est touché. Il est touché. Et كذلك, ça lui sera utile s'il connaît son modèle. Et notre modèle, c'est le prophète Mohammed, عليه الصلاة والسلام, et كذلك, ceux qui l'ont suivi. من الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الدين. On doit connaître شيء من سيرة هؤلاء, surtout la biographie de notre prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام, et كذلك ceux qui sont venus après lui, ses compagnons et ceux qui sont venus après lui. للأسف الآن بعض المسلمين ربما يكونوا en détail la biographie d'une personne, ربما c'est un فاسق, ربما c'est un كافر, un مجرم, et ils connaissent sa biographie en détail. Pourquoi ? لأنه, il aime cette personne. Et il sait que pour lui ressembler, il doit le connaître. لأن الإنسان, s'il aime quelqu'un, il veut lui ressembler, il veut le suivre, il veut se rapprocher de lui. Donc il faut qu'il ait un minimum de connaissances. Et tu trouves, للأسف, beaucoup de cette communauté, notre umma, que ce soit les jeunes ou autres, ils ne connaissent pas grand-chose de ces imams. Ils ne connaissent pas que les grandes choses des compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam. Bel, certains ne connaissent pas grand chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et hadith, c'est une musiba. On doit faire des efforts. Pour nous, c'est des références. On doit revenir à eux, bien sûr, sans taqlid, sans suivre aveuglément. Et notre but, c'est de rechercher le haq. Lakin, ce haq, tu le trouveras en revenant aux imams de la sunna. Falihada. Cheikh Mohammed Huna, il a cité une brève biographie de chacun de ces quatre imams. Et Talibul Ilm Khassa, il doit faire des efforts fi hada. Connaître une tarjama, connaître leur nom, connaître leur parcours fi l'ilm. لأن en connaissant هؤلاء, ستستفيد فوائد كثيرة. أنت en tant que Talib Ilm, et même ceux qui ne sont pas des Talib Ilm, tu tireras des leçons. Awwalan, tu vas connaître leur niveau fil ilm et leur parcours et comment ils ont fait. Anta satastafid. Ils ont commencé par quoi, ils ont appris comment, qu'est-ce qu'ils ont lu, qu'est-ce qu'ils ont appris par cœur. Tout ça satastafid ant. Les annahum, ils sont passés par ce chemin avant toi et ils ont fait beaucoup plus d'efforts que nous. Nahnu nastafid. Même si on n'est pas comme eux, fa'ala al-aqal. Et on ne sera pas comme إلا أن يشاء الله. لكن على الأقل on fait un effort pour ressembler. كما قال الشاعر فإن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا فإن التشبه بالكرام فلاح. Et si vous n'êtes pas comme eux, essayez de leur ressembler. Et le fait d'essayer ou de leur ressembler, de faire des efforts, c'est une fadila. كذلك en étudiant la biographie de هؤلاء, tu vas connaître ton niveau à toi. Ça va te pousser à la modestie. Si tu as appris quelques hadiths, ou tu as appris un matn, ou tu as fini un livre, c'était des océans fil ilm. L'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, rapporte qu'il a appris 1 million de hadiths, avec les athars, avec les dhi'af, 1 million. L'imam Bukhari, c'est « Aya min ayatillahi fi hadal bab » الإمام الشافعي كذلك الإمام مالك رحمة الله عليه سيا un des grands imams de cette communauté. Avec ses connaissances tu vas connaître ton niveau à toi, et كذلك ça va te pousser à les aimer. محبة حقيقية sans إفراط ولا تفريط, sans exagérer, et كذلك sans ne pas leur donner leur حق, لأنهم c'est des من أولياء الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بل الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Tout ça, ça va te pousser à les connaître eux. Et Inch'Allah, ça va t'aider dans ton parcours. Kadhalik fil ibad. Si tu lis la biographie des salafs et tu lis les efforts qu'ils faisaient fil ibad, c'est une autre époque. Si tu te focalises, tu te bases sur notre époque, tu fais un peu d'effort et tu vas penser que tu es au-dessus de beaucoup. Quand tu as atteint un certain niveau fil ilm, fil ibadah, le shaitan y rentre, le ghurur, et le kibr, c'est ce qui arrive à certains, ayyadun billah. Il se compare à cette génération, al-yawm, qui ne fait pas beaucoup d'efforts fil ilm ou fil ibadah. Mais si tu reviens à haoula, tu verras que fil ibadah, fil ilm, fi kathir min al-umur, on est très très loin fil haqiqa. Lakin, on ne désespère pas, on fait des efforts. Lakin, ça, comme on l'a dit, ça te permet de les connaître et les suivre fil haq et leur donner leur haq. Et kadalik, ça te permettra de te connaître ent. Wala tartar. Si wahed un jour il te complimente ou il te félicite parce que tu as fait telle chose, tu sauras que c'est pas grand chose. Tu verras que on est encore, fil haqiqa, encore beaucoup d'efforts il nous faut pour atteindre un bon niveau, que ce soit fil ilm ou fil ibada ou fil salah. Et tout ça, inshallah, cette étude de la biographie de nos savants, que ce soit les anciens ou les contemporains, ça t'aidera fi hada bi idnillah. Et on lit cet aperçu. Haqiqa, c'est très court, lakin c'est tayyib pour celui qui veut approfondir ba'd. Annahu, il connaît le nom, le lieu de naissance, etc. des quatre imams. Thumma, il approfondit qalilan qalilan. Et min ahsan al-kutub fi hada, c'est kitab al-imam al-Dhahabi, rahimahullah. Siyar a'lam al-Nubala. Il est imprimé en une vingtaine de volumes. Et il est tayyib fi hada al-bab. Lakin il est assez long. Kadhalik al-bidaya wal-nihaya l'imam al-Kathir. كذلك لليفر دو الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه كسوا في الصحابة أو في الأئمة كذلك كتب الإمام ابن عبد البر الاستيعاب et d'autres في معرفة الصحابة et beaucoup d'imams ils ont cité et ils ont rassemblé dans des livres les imams de la sunna avec une biographie. قال, on revient à notre livre. قال الشافعي وهو الإمام الفقيه الورع الزاهد أبو عبد الله محمد بن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن الشافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف القرشي. دونك الإمام الشافعي رحمه الله son أصل إلى من قريش كم لبخفة محمد صلى الله عليه وسلم. قال والمطلب ابن عبد المناف هو أخو هاشم ابن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, Al-Shafi'i, rahmatullah alayhi, il descend de Ha'oula. Un de ses ancêtres, Al-Muttalib ibn Abd Manaf, c'est le frère de Hashim. Et Hashim ibn Abd Manaf, c'est le grand-père du prophète, alayhi salatu wassalam. Fahwa akhu Hashim ibn Abd Manaf, jaddu Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa wulida Al-Shafi'i fi am 150 min al-Hijra. En 150 de l'Hijra, alayhi rahmatullah. ثم توفي في عام 400 من الهجرة النبوية. Il est né en 150 et il est mort en 204. Il n'a pas vécu longtemps, il est mort à 54 ans, رحمة الله عليه. Le deuxième imam qui cite, قال ومالك هو imam دار الهجرة أي المدينة. C'était l'imam de Médine à son époque, رحمة الله عليه. أبو عبد الله مالك ابن أنس ابن أبي عامر ابن عمرو ابن الحارث الأصبحي نسبة إلى أصبح قبيلة من حمير أي أو يمن. Il est originaire du Yémen, رحمة الله عليه. الإمام مالك. Et الحقيقة أمره il est عجيب. لماذا؟ لأنه il est originaire du Yémen. Et il est né et il a grandi et il a vécu à Médine. Et son madhhab, il s'est propagé fil Maghrib al-Arabi. Allah subhanahu wa ta'ala yaf'al ma yurid. Al-An, le madhhab de l'imam Malik, il n'est pas propagé dans son pays d'origine ou qu'il a vécu là. Il est propagé fi bilad al-Maghrib. Al-Andalus qadiman et aujourd'hui al-Maghrib al-Arabi. Ah, et quand on dit le madhhab, il est madhhab al-fiqhi. Wa illa al-aqida, c'est la même. Qala ukhtulifa fi tarikh wiladatihi. Les savants, ils ont divergé sur sa date de naissance. Fi ma bayna at-tis'in min al-hijra il a 97. Bardon, ils ont dit la 90e année de l'Hégire, et d'autres, ils ont dit la 97e. Mohim, il y a plusieurs aqwal, entre 90 et 97. ورجح القاضي عياض والذهبي أنه في 93. الإمام الذهبي, القاضي كذلك, ils ont cité أن الصحيح, c'est qu'il est né en 93, l'an 93. وتوفي في عام 79 ومئة من الهجرة النبوية. Et il est mort en 179. Le troisième, قال قوله وأبي حنيفة وهو النعمان ابن ثابت. أما on a oublié de citer certains ouvrages. أما الشافعي, il a un kitab مهم. Il a un kitab نافع, c'est الأم, كتاب الأم. للشافعي كذلك, il a un livre qui est célèbre. Al-Usul, c'est son livre Al-Risal, et c'est une référence. Al-Imam Malik et Shafi'i, il a d'autres ouvrages. Al-Imam Malik, son célèbre livre, c'est Al-Muwatta. Hatta qala Al-Shafi'i rahmatullah alayh annahu, il n'y a pas un livre plus sahih que Al-Muwatta de l'Imam Malik. Et on a déjà expliqué anna hada c'est qabl ta'lif al-sahihayn de l'Imam al-Bukhari et de l'Imam Muslim. Fal-Muwatta, c'est min asah al-kutub. Il y a des asanid aliyah. Il y en a l'imam Malik, il était proche de la génération des compagnons. Enfin, beaucoup des asanid, ils sont aliyah. Et il y a peu de narrateurs jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam. Qala wa abi hanifa huwa an-nu'man ibn thabit ibn zouti al-khazaz al-kufi. Nusiba bil-khazaz li annahu kana yabi' al-khaz. Ou al-khaz. Aïe, c'est al-thiyab. Aïe, ils vendaient du tissu. فلهذا نسب إليه الخزاز. وقد ينسب بالتيم لأن جده زوط كان مولى لبني تيم الله ابن ثعلبة من بني ربيعة. وولد أبو حنيفة في سنة 80 من الهجرة النبوية. وتوفي عام 50 و100 من الهجرة النبوية. Il est mort donc en 150. L'imam Shafi'i, il est né qu'on a un an 150. À la naissance de l'imam Shafi'i, l'année de la naissance de l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, il est mort. Qala wa kana Abu Hanifa sahibu ra'yin wa qiyas hatta urifa ashabuhu bi ashabir ra'y wa min ajli dhalik khafadat rutbatuhu an ghayrihi min al-a'imma. Na'am. Anna Abu Hanifa rahmatullah alayh, il était connu pour al-ra'i wal-qiyas. C'est pour ça qu'il n'a pas le même niveau que les autres imams qui se concentraient sur l'ahadith. لأنه كان يقدم al-ra'i wal-qiyas على النصوص. Naam, il faisait passer al-qiyas wal-ra'i على النصوص. C'est pour ça que beaucoup de ses avis rahmatullah alayh contredisent le sunnah. ولذلك كثرت مخالفته في الفروع الفقهية. Je trouve beaucoup de ces أقوال الخالف des نصوص. Pourquoi? لأنه رحمة الله عليه il faisait passer الرأي والقياس avant les textes. Et هؤلاء الأئمة ils sont pas معصومين. العصمة c'est للأنبياء والرسل. قال ولم يسلم أيضا من بعض الزلات في العقيدة. كذلك il a des erreurs في العقيدة رحمة الله عليه في حقيقة الإيمان. نعم, أما في الإيمان il a des erreurs والاستثناء فيه. فنسأل الله أن يعفو عنا وعنه. في شرح الطحاوية الأئمة qu'ils ont fait le شرح, لأن الطحاوي c'est من أئمة الحنفية, il a pris certaines paroles de l'imam أبو حنيفة في الإيمان et العلماء ils ont montré leurs erreurs et ils ont montré al-haq fi hadhihi al-mas'ala. Le quatrième, qala thumma Ahmad, قال هو إمام أهل السنة والجماعة الإمام الزاهد الورع الصابر المجاهد أبو عبد الله. Vous avez remarqué que les quatre imams, leur kunya c'est Abu Abdullah, sauf Abu Hanifa. Sa kunya c'est Abu Hanifa. Son prénom c'est Al-Nu'man ibn Thabit. Donc les quatre imams, leur kunya c'est Abu Abdullah. Et هذا c'est une faïda tayyiba pour que tu retiennes. Les quatre imams c'est Abu Abdullah, sauf Abu Hanifa, c'est Abu Hanifa. قال هو إمام أهل السنة والجماعة الإمام الزاهد الورع الصابر المجاهد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد وهو من أصول العرب من بني شيبان ابن الذهل ابن ثعلبة ينتهي نسبه إلى ربيعة ابن نزار أخي مضر بن نزار وقد قيل فيه مروزي لأن أباه محمد بن حنبل كان من أجناد مروة حملت به أمه هنالك أي إليني هناك مروة فلهذا نسب إلى هذا المكان المروزي رحمة الله عليه هو كذلك إلى تف العراق أبو حنيفة كذلك كوفة العراق الشافعي كذلك أما مالك فالمدينة أما الشافعي نعم ولد في الشام رحمة الله عليه أما أحمد ففي العراق وقد قيل فيه مروزي لأن أباه محمد بن حنبل كان من أجناد مروة حملت به أمه هنالك ثم قدمت بغداد نعم هاي لني في مروة ثم sa mère après sa naissance elle est venue à Baghdad أو نعم elle est venue à Baghdad et il est né هناك فولدت هذا الإمام في بغداد il est né à Baghdad عام أما مروة c'est par rapport à son père عام 64 ومئة il est né en 164 de l'Hégire رحمة الله عليه أما الإمام الشافعي قلنا 150 قال ثم توفي أبوه ونشأ يتيما son père il est mort rahmatullah alayh et l'imam Ahmed il était encore petit il a grandi orphelin l'orphelin c'est celui qui n'a pas de père قال وتوفي الإمام أحمد في سنة 41 ومئتين من الهجرة النبوية et il est mort en 241 أما الشافعي رحمه الله فإلى mort en 204 قوله ينقل أي ما ذكرناه في هذه الأبيات هو من اعتقاد هؤلاء الأئمة أيضا تقدم هذا donc un bref aperçu de ces quatre imams عليهم رحمة الله et leur biographie elle est répandue dans plusieurs ouvrages celui qui veut Al-Mazid والإمام أحمد كذلك il a des كتب نافعة et parmi ses plus célèbres livres Al-Musnad Ils l'ont imprimé en 50 volumes l'an fi Mu'assasat al-Risala, une tab'a jayyida. Des milliers de hadith al-Musnad. C'est kanz min kunuz al-ilm. C'est une référence fil hadith. Des milliers de hadith, il les a cités l'imam Ahmed avec leur chaîne de transmission. Al-Musnad. Kadhalik al-Rad ala al-Jahmiya, kadhalik usul al-Sunnah. Il a plusieurs livres fi al-Rad ala ahl al-Bid'a wa al-Dalal. Et Al-Musnad. ثم قال شيخ الإسلام et conclut cette منظومة بقوله فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول أي si tu suis le chemin de هؤلاء فهذا c'est من توفيق الله et celui qui s'égare qui délaisse le chemin des imams de la sunna forcément il tombera في البدعة يذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من اتبع السبيل الأئمة المذكورين الذين اتبعوا الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح فقد وفق. Et vous avez remarqué qu'on parle un de suivre un manhaj de l'أئمة, et suivre la voie des savants, pas de suivre un en particulier. Il y en a celui qui mérite d'être suivi dans tout, c'est le prophète عليه الصلاة والسلام. Et nous, on n'a pas le droit d'élever un imam. D'exagérer et de le mettre au rang du prophète alayhi salatu salam. Là, on aime les imams de la sunna, mais on a cette croyance qu'il peut se tromper. Annahu, sa parole, ce n'est pas un délit. La parole d'un imam, ce n'est pas un délit. Là, l'imam, il t'aide à comprendre le délit. Et si cet imam, il se trompe, et un autre, il montre son erreur et il montre le haq, on prend la parole de l'autre. Fahakada al-wasat, avec l'a'imma, on n'exagère pas en les plaçant au-dessus de leur rang, avec la croyance qu'ils sont infaillibles, tu ne peux pas délaisser sa parole. Hada c'est min al-ghulu, c'est de l'exagération. Et kadhalik, on s'écarte de ceux qui les insultent, ils ne les respectent pas, ils ne leur donnent pas d'importance. Ahlus sunnah, ils sont wasat. Que ce soit avec les quatre imams ou autres. Amma, celui qui délaisse la voix des imams, il ne suit pas l'a'imma, il va s'égarer. Et il va citer les preuves en hada. Qala kama qala ta'ala wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin. C'est ça le shahid. Et celui qui s'écarte de la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam et suit une voie autre que celle des croyants. Et là chaque anna dhurwat al-mu'minin c'est al-a'imma. قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Et vous avez remarqué كذلك que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité la voix des croyants après la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأن si un de ces croyants il se trompe, on n'a pas à le suivre. لكن la voix des savants surtout في العقيدة لا شك أنها les fondée sur la sunna. Enfin, on est obligé de les suivre. Sauf si un, il se trompe dans une mas'ala, مثلا Abu Hanifa, il s'est trompé fi ba'd masail al-iman, enfin on ne le suit pas. Personne nous ordonne de suivre cet imam dans cette erreur. Surtout que tous les autres imams, ils ont montré l'erreur et ils nous ont montré aqidat al-salaf fi al-iman. Anna al-amal, ça fait partie de l'iman. Fi hada al-hal, on suit sabil al-mu'minin. Et l'imam, on dit, afallahu anhu, qu'Allah il lui pardonne. Et si c'est un mujtahid, inshallah, il est récompensé pour son erreur. Il a fait un effort. Le deuxième verset, wa qala ta'ala fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim. Ash-shahid fa in amanu bimithli ma amantum bihi, s'ils ont la même croyance que la vôtre, faqad ihtadaw, ils seront sur le droit chemin. Ça nous montre anna As-sahaba wa a'immat as-sunnah, ils se sont tous rassemblés sur la même aqida. Enfin, nous, on est obligé d'avoir la même aqida. Celui qui invente une aqida, comme ils ont fait al-Jahmiya, al-Mu'tazila, al-Rawafid, al-Ash'ira, etc., ils ont khalif sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala ta'ala, al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar, wal-ladhina attaba'uhum bi-ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لكمبانيون دو بروفيت صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوهم بإحسان. Ceux qui ont suivi السابقون الأولون, que ce soit من الصحابة ومن التابعين jusqu'à nos jours, celui qui les suit بإحسان, il est على الهدى. C'est pour ça que Allah سبحانه وتعالى رضي عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشد أخرجه مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه الإمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر. Celui qui les suit, il sera guidé بإذن الله عز وجل. لأنهم ils ont suivi سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قيل وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. La meilleure des voies, c'est la voie de ceux qui nous ont précédés. Et la pire des voies, c'est le muhdathat. Les choses inventées, al-bada'i'u, al-bida', les innovations. وَبَيَّنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةِ رَحِمَهُ اللَّهَ أَنَّ مَنْ أَعْرَضَ عَنِ الْمَنْهَجِ السَّلَفِ وَابْتَدَعَ فِي الدِّينِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ اِعْتِمَادٌ. فهذا المنهج, العلماء, il l'appelle al-manhaj al-salafi. Limadha? Li'annahu c'est tiba' al-salaf. Et salaf, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui sont venus après eux. Et il a cité les adillah. Fa c'est wajib ala kulli muslim de suivre had al-manhaj. Et la yajouz de rejeter ce manhaj. Li'anna al-manhaj al-salafi c'est une nisba ila ha'oula, al-a'imma. les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous les imams qui sont venus après. Enfin, pourquoi rejeter? Ba'd al-Nas, ils entendent al-Manhaj al-Salafi comme si c'était une secte qui appelle au shara, comme si c'était un groupe innové. Là, c'est l'islam al-haqiqi. Ils l'ont appelé salafi, li annahu nisba ila salaf. Amma, vous remarquerez que tous les autres groupes, c'est une nisba à des hommes ou à une idée. Matalan al-Asha'ira, matalan al-Jahmiya, al-Mu'tazila, al-Rawafid. Ça, c'est des groupes égarés. Pourquoi? Le groupe, il est fondé sur l'égarement et ils ne suivent pas le prophète et ceux qui sont venus après lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous ceux qui sont venus après lui, min a'immat al-huda. Amma al-salaviyya, voilà, fala yunkar ala man intasaba ilayha. Bel, c'est wajib ala jami' de suivre ha'oula. Et il a cité les preuves. Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin. C'est ça, manhaj salaf, c'est sabil al-mu'minin. لكن كثير من الناس لا يكونون بها هذه الأمور يستغربون من هذه التسمية. ils pourquoi vous dites salafi, on est des musulmans. السلفي كذلك. ils sont salaf. السلف c'est أئمة الإسلام. قد يقول قائل mais pourquoi vous dites pas que musulmans? pourquoi vous dites salafi? لأن il y a des innovateurs. مبتدعين c'est des musulmans كذلك. on est obligé de se différencier à eux. Pour suivre le haq, et celui qui veut le haq, il sait qu'il y a un manhaj qui est basé sur le haq et il le suit. Mais si on dit muslim, enfin quel muslim? Un muslim salafi, un muslim ikhwani, un muslim ash'ari, un muslim soufi. كثير الآن اختلطت الأمور. فلا إنكار. فلا إنكار. Et العجيب أنهم ينكرون على السلفيين. Et ça, ça montre عدم الإنصاف. أن كثير منهم ils reprochent aux salafis, pourquoi vous dites salafis? Et tu les entends pas dire ça aux soufis, aux rafidhi, aux jahmi, aux ash'ari, abadan. Et ça, c'est un manque d'objectivité. Ma'a anna salafiya, c'est haq. Lakin, kathir min al-nas, l'an, il parle pas bi'ilm. Il a entendu dans les médias, anna as-salafiyoun, c'est kada salafiya, c'est telle chose. Et il suit. Amma, il rechercherait les fondements du groupe. Et s'apercevrait que Al-Salafiyya s'est fondé sur le kitab et Al-Sunna et Manhaj al-Sahaba et il verrait que Al-Salafiyya s'est fondé كذلك sur Al-Tawhid ou Al-Ittiba' les bons comportements Al-Amr bil-Ma'ruf Al-Munkar etc. il saurait que Al-Salafiyya c'est l'Islam al-Haq lakin al-Jahl et Al-Taqlid كذلك ça les pousse à rejeter هذا المنهج قال فليس عليه اعتماد ولا تعويل وسيضل لمخالفته لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم هاي ceux qui innovent et qui délaissent as-salafiyya il s'égarera forcément لأن الحق il est واحد et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre هؤلاء on les appelle as-salafiyoun on les appelle ahl as-sunnah ou ahl al-hadith ou ahl al-athara ou al-firqa al-najiya ou al-ta'ifa al-mansoura C'est Ahlul Haqq. Et celui qui les délaisse, forcément, il a ouvert une porte d'égarement. Kama akhbar Allah Azza wa Jal, on a cité les versets. Qala bikul ou bel dhakara ulama, bel dhakara ulama sun ahli sunna wal jama'a. Anna man khalafa al-haq wa abtada'a fi d-din wa aanada bil batil fa innahu yunsah. Celui qui délaisse cette aqida, celui qui délaisse ce manhaj yunsah. Kama qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d-din wa nasiha. فيبين له. pourquoi? لأن بعض الناس ils ont délaissé هذا المنهج المبارك الحق à cause de l'ignorance ou à cause d'une mauvaise compréhension ou il a pas donné assez de temps ou il a une ambiguïté. فينصح. يبين له. sauf si c'est un منحرف qui accepte pas le حق et ربما il propage des ambiguïtés. فابتعد عنه. Et tu peux le conseiller sans te rapprocher de lui. Avec un livre, avec un audio, avec Wahid qui a du ilm. Fassalama la yu'dilu hachay. Ne pas comprendre hada, anna on se mélange avec Ahl al-Bida' pour soi-disant les conseiller. Comme minan nas, ils ont voulu les conseiller. Et lui-même, il est sorti minas sunnah. Lianna kadhalik le mubtadi' il conseille. Et celui qui n'a pas l'ilm suffisant et al-thabat suffisant, et il n'est pas ferme dans sa foi et il n'a pas assez d'ilm, فَرُبَّمَا يَغْتَرُّ بِهِمْ et lui-même il a des doutes. Amma, si c'est un ignorant, خاصةً, c'est un proche, et mesquine, il ne sait pas grand-chose, et il n'a pas de choubah, lakin, il ne sait pas, et tu lui montres, فَطَيِّب. فإن رجع عن ذلك وإلا حذر الناس منه. أما si il s'obstine dans son égarement, il s'entête, فهذا écarte-toi de lui. Et si c'est un munharif, un mubtadi', mets en garde contre lui, لله عز وجل. قال ومن شره وبدعته وضلاله. Et ça c'est نصيحة للأمة. C'est une nasiha pour tout le monde. Mettre en garde contre Ahl al-Bida', c'est une nasiha. Il y en a, si tout le monde se tait, ce mubtadi', il va propager son char. C'est pour ça que ceux qui soi-disant ils reprochent à Ahl al-Sunnah, pourquoi vous répliquez aux autres, pourquoi vous critiquez les autres, Fal-Haqiqa, ils ne pensent pas à la Ummah. Ils penseront à la Ummah, ils diraient Barakallahu fikum, vous avez montré le char hada et vous préservez l'Ummah. Lakin, ils regardent faqat pourquoi vous parlez sur lui, c'est un musulman. Là, on parle limada pour préserver les autres musulmans. Et ça, c'est min bab al-nasiha. Qala, nas'al Allah azza wa jalla yuthabbitana wa walidayna wa mashayikhi wa ikhwani ala dinillah hatta nalqahu walhamdulillahi rabbil alamin. Fabihada, on a fini l'étude de cette risala. Et le prochain cours, on lira les derniers points qu'il a cités. Des fondements que Cheikh al-Islam, il n'a pas cité dans cette mandouma. Il en a rajouté trois. Al-Iman, et la foi. Le deuxième fondement qu'il a rajouté, c'est Al-Shafa'a, l'intercession. Et le troisième, c'est l'obéissance au gouverneur. Patienter sur le gouverneur musulman, même s'il est injuste. Et Cheikh al-Islam, il a détaillé ces points dans Al-Wasitiyya et d'autres livres. Lakin, dans cette mandouma, elle est résumée, il n'a pas cité ses points, et Cheikh Mohammed, hafidahullah, il les a rajoutés pour compléter. Inch'Allah, le prochain cours, on essaiera de lire ses points, et alhamdulillah. Subhanak, l'homme, hamdik, shadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.